Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est samedi et c'est la consultation de votre docteur favori, Docteur Disco. Pour la découverte du jour, je vous propose Sergio Mendes et son titre I Tell You. Sergio Santos Mendes est un pianiste, compositeur, chanteur et arrangeur brésilien né le 11 février 1941, juste à côté de Rio de Janeiro. Alors il est avant tout connu pour avoir interprété avec son groupe Brasil 66, l'œuvre de George Ben Jor, excusez-moi pour la prononciation, Masquerada. En 2012, il a été nommé pour l'Oscar de la meilleure chanson originale en tant que co-compositeur de la chanson Will in Rio, Rions à Rio. C'était le final du dessin animé Rio, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Alors l'extrait que nous allons écouter est paru en 1979 et est issu de l'album Magic Lady. Ça va démarrer fort, croyez-moi. Alors on enchaîne avec notre rubrique des 100 hits. Aujourd'hui, T-Connection et son titre Do What You Wanna Do. Avec le succès de Funky Nassau ou Blow Your Whistle, la compagnie TK, basée à Miami, sent bien que la musique des carnavals des Bahamas plaît au public des discothèques. Le patron, Henry Stone, va faire signer le groupe T-Connection, originaire de Nassau. L'enregistrement de l'album Magic se déroule sous le contrôle de l'ingénieur Alex Satkin, connu pour son implication dans le reggae aux côtés de Bob Marley. Alors l'instrumental Disco Magic, c'est le premier single et il fait la part belle aux synthétiseurs et aux percussions et ça va ouvrir la voie au succès phénoménal de Do What You Wanna Do, numéro 1 pendant quand même 7 semaines. Alors ce morceau, étonnant de vitalité, ne laisse à aucun moment l'auditeur s'ennuyer. La voix et le chant de Tico Akley dégagent une émotion et une énergie irrésistibles sur un dancefloor. Ici, il n'y a pas d'arrangement d'orchestre, mais du groove et du rythme. T-Connection devient une force motrice de Ticket avec plusieurs albums d'un disco funk de premier choix. Assez parlé, place à l'écoute. Jet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. La suite, eh bien, c'est notre rubrique de la bande originale. On continue avec le film You Can't Stop the Music avec les Village People. je vais vous faire écouter le second single issu de l'album du film Magic Night. Sorti en 1980, cela sera aussi le dernier extrait à sortir. Il est comme toujours écrit par le tandem Bellolo et Morali. Belle nuit. Always surround us. Play some good music. The moment has flair. Happiness and joy's everywhere. So have a good time. Everyone have some fun. Leave all of your problems behind you. Come and sing along. Join in on my song. Sing about this magical night. Have a good time and enjoy. le maxi, on prend le train. Bon, pas terrible jeu de mots. On va déguster D-Train et son titre You're the One for Me. Alors le titre, il sort en 1981, est extrait de l'album D-Train. Ah, il s'est pas trop foulé pour trouver le titre, on va dire. Le morceau atteindra la troisième place des hits en 1982. On peut aussi l'entendre dans le film Glitter. C'est aussi la chanson qui fera découvrir l'auteur, car elle constitue son premier single. Allez, place au maxi. Alors on arrive doucement à la fin de ce numéro. Pour la pépite, on va se diriger vers Luther Vandross et son titre « Stop to Love ». Ce dernier a la particularité d'être l'un des deux numéros 1 que le chanteur a obtenu. Le second, vous voyez quel c'est ? Never Too Much, bien sûr. Alors le morceau de ce soir est extrait de l'album « Give Me The Reason » sorti en 1986. La voix du chanteur fait comme toujours son effet. C'était en 1986 et ça donnait ça. Alors nous sommes arrivés au terme de notre émission, je vous dis bonne soirée, bonne semaine, à samedi prochain, bye bye.